Mickaël à la radio sur Fun Radio. C'est parti pour la déclaration express maintenant. Il y a Dimitri qui est avec nous pour la déclaration express. Comment ça va Dimitri? Ça va très bien, merci. Bon, bonjour. Tant mieux. Bonjour, bienvenue à toi. Bah, salut à toi, Dimitri. Hein. Toute l'équipe te salue. Tu es dans quelle ville, Dimitri? Grasse-Logne. Grasse-Logne, d'accord, ok. Tu as quel âge? 24 ans. 24 ans. Et nous allons appeler un autre Dimitri, donc, pour la déclaration express. C'est mon petit copain, en fait. D'accord, donc déclaration express spéciale homme qui aime les hommes. Et c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Et tant qu'il y a de l'amour, c'est et le principal. Et d'ailleurs, pour la peine, elle est sponsorisée par les Village People. Et Sébastien Loeb a choisi Elton John. Ah bah bien sûr. Bah oui, hein, tant qu'à faire, autant rester dans le cliché. Bah c'est ça, quoi. Bah oui, bah bien sûr. Allez Dimitri, on appelle ton copain Dimitri, tu lui dis voilà, j'ai un truc à dire et nous on démarre derrière, ok? D'accord, ok. Oui, allô? Allô, mon loulou? Oui. Bonjour, ça va? C'est moi. On m'appelait Scooter. Ben voilà, ça fait quelques mois maintenant que nous sommes ensemble, comme tu le sais. Oui. Ouais. Et voilà, j'aimerais que tu écoutes ceci très attentivement. Tu veux bien. Non, ça fait pas des années, ça fait quelques mois. Je t'ai croisé sur un char. À la Gay Pride. Oh, le cliché. Blindé, j'ai maté ton Marcel en cuir. Et ta petite moustache m'a fait vraiment frémir. Quand je l'ai dit à mon père, il m'a mis un jeton dans la gueule, m'a forcé à retirer mes boucles d'oreilles. Surtout la droite, parce que la gauche, il s'en fout. Je lui ai dit, papa, râle pas, mais j'aime pas les minous. Maintenant que je me suis barré de chez lui, je vais venir te voir. Et dans la lumière ou dans le noir, ouais tu vas voir. Je vais te faire mal, je vais te faire mal. T'en auras des hauts le cœur, comme si tu devais te taper ma grande sœur. Oh, qu'est-ce que c'était beau, oh, romantique. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, Dimitri? L'amour était avec nous ce matin. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Dimitri? Ça fait trop plaisir. Merci. Oh, si on peut rendre service. Ah bah ouais, nous on est là pour rendre service, il n'y a aucun problème. Allez, on vous envoie deux pots de lubrifiant. Merci, toi. Bon. Eh ben Dimitri, les deux Dimitri, merci à vous d'être passés en tout cas. Passez une bonne journée à Grasse-Logne et puis à bientôt. D'accord, je vous remercie. Salut à vous, à bientôt. Merci beaucoup à toute l'équipe et puis bah, une bonne journée. Eh ben une bonne journée à vous aussi. Là. Salut vous deux, à bientôt. Merci. Ciao, bye bye. Eh ben voilà, c'est bien. Oh, c'était mignon. Oh, c'était fleur bleue ce matin l'émission. C'était beau. Oh, fleur bleue l'émission ce matin. Julie ne dit rien, je suis très étonnée. Mais oui, elle était émue, elle ne sait plus quoi dire. Ce sont mes infos qui arrivent dans une minute. Ah, mais oui. C'était beau. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Jean-Marc Morandini, je suis super heureux d'être en Belgique, mais pourquoi fallait-il que j'aille voir aussi Mickaël à la radio? Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Fun Radio. Et oui, la ligne anti-relou, c'est chaque matin. Alors pour ceux qui étaient là il y a une heure, on a eu un petit problème de bug informatique qui nous a dit que qui nous a diffusé des vieux en fait, des vieux de la ligne anti-relou. C'était de très bons vieux. C'est hein, vrai, mais bon quand même, ils n'avaient pas leur place à cet endroit-là. Donc du coup, nous avons les nouveaux maintenant. Voilà. Les a punis. Voilà, exactement. Allez, ligne anti-relou maintenant. Écoutez bien les premiers messages qui ont été laissés au 01 au. Pourquoi je dis 01 à chaque fois? 04 73 86 00 13. Allez, retenez bien le numéro les filles d'ailleurs, hein, car le week-end arrive. Bien, bonjour, c'est Sarah au téléphone. Juste, je voulais savoir comment ça s'était passé hier. Et comme je ne sais pas si tu viens cet après-midi, tu peux m'appeler. Je suis à la maison, je corrige les doigts. Voilà. Bonne journée. Au revoir. Ah, elle corrige les doigts. Ça veut dire que c'est un élève qui s'est éventuellement tapé sa prof. Non, où la prof, tu sais, lui a pris la tête pour avoir son numéro et du coup, il a donné la ligne anti-relou. Oui, donne-moi le numéro de tes parents, je vais les appeler. Hein, donne-moi le numéro de tes parents. Mais attends, elle parlait pas du tout comme ça, elle avait l'air super sympa, super mignonne. Bah oui, bah super peut-être mignon. Que bah super vieille aussi un peu. En même temps, après, chaque fois, je vais me rappeler que si on lui donne le numéro de la ligne anti-relou, c'est qu'elle est forcément relou. C'est qu'il y a un moment, elle le mérite aussi d'ailleurs. Voilà. Bon, d'ailleurs, faut que je te donne mon numéro tout à l'heure, Julie. Non, je l'ai déjà, ça va. Non, mais j'ai changé. Ah, t'as changé. Oui. Je vais te filer mon nouveau numéro tout à l'heure. Allez, oui, deuxième message maintenant laissé sur la ligne anti-relou. Oui, c'est Francis. Tu m'as donné rendez-vous devant la société Electra Grassolagne. Donc je suis là comme prévu. Ça fait déjà une heure que je t'attends. Je suis là dans ma grosse Audi. Si ça te fait plaisir d'aller faire un petit tour dans la voiture, comme ça on passera un petit peu super dans ton quartier. Et voilà, comme prévu, quoi. Ok. Allez, merci, salut. Hein. Dans ma grosse Audi, on passera dans ton quartier, comme ça, ça tu pourras fait... t'appêter. Ça me fait toujours bien marrer, les mecs qui pensent que leur grosse bagnole nous impressionne. Oh là là. Oh, mais pas du tout, quoi. Ouais, alors qu'on sait bien que c'est juste les gros portefeuilles. Voilà, exactement. Parce les que grosses cartes de crédit, ouais, les gros comptes en banque. On peut garder l'argent que pour nous. Ne le dépensez pas dans une grosse bagnole. Mais bien sûr. Donnez-le nous directement. Surtout quand vous la ramenez, là. Bon, allez, troisième message maintenant, ce matin, laissé sur cette ligne anti-relou. Comment mon prince, ça fait une heure que je t'ai travaillé. Tu n'es toujours pas là. Ah, je vais encore t'attendre 10 minutes. Et je vais peut-être partir, je sais pas. Peut-être. Faut voir. Ouais. À une prochaine fois. Ah, bah dis donc, alors sympathie, celui-là il a failli se mettre une balle, là, je pense. Hein. 0473-86-0013. Yo! C'est le numéro de la ligne anti-relou. Vous le donnez et quand il appelle, on le passe à l'antenne. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Alors, bon, comme vous le savez, il y a un satellite qui risque à tout moment de nous tomber sur la tronche et donc on va appeler une autre famille que tu vas réveiller, Tom, du coup. Mais oui, une autre famille pour les prévenir, pour qu'ils... Parce que voilà, il faut qu'ils sachent. Je peux pas les laisser comme ça, ça va leur tomber sur la gueule. C'est une non-assistance à personne en danger. Mais voilà. Bah oui. Et donc, c'est un satellite de la NASA qui doit tomber aujourd'hui, mais bon, il y a peu de chances que ce soit en Europe, hein, techniquement. Hein, mais bon. Oui, mais ça, c'est un détail, je vais pas leur dire. Non, bah bien sûr, évidemment. Hein, il faut pas faire peur aux gens, bien entendu. Bon. Bah non, non, ah non, non, mais toi, c'est pas mon genre. Jamais peur aux gens. Non, On nous avait envoyé un message pour appeler chez je ne sais plus qui, mais c'était à Durbuy. Donc, on va à Durbuy. Allons à Durbuy. Allez, on va à Durbuy. Appelons à Durbuy. Allez, Durbuy. On avait été à Beaucin tout à l'heure, mais ça n'avait pas bien marché. Hein. Le gars avait dit merci, au revoir. Bon, okay, on avait mis tellement d'espoir dans le boss. Ah ouais. Un échec total, c'est dommage. On espère qu'à l'Airbus, ça ira mieux. Allô. Oui, allô. Allô, vous êtes là, heureusement. Voilà, le satellite américain, il va tomber chez vous. Pourquoi? Il y a un satellite, il va tomber sur votre maison. Il faut pas rester chez vous, il faut partir, monsieur. Oui. Oui, il faut partir, monsieur. Et une bombe qui va tomber sur ma maison? Non, c'est un satellite, c'est pas une bombe, c'est pire, c'est plus lourd. Oh. Oui, c'est les Américains, ils savent plus le contrôler, il va tomber, monsieur. Oui? Oui, faut pas rester là. Et vous téléphonez de tout côté comme ça? Mais oui, monsieur, moi je l'ai vu, je le vois, il va tomber sur votre maison, là. Il faut pas rester chez vous, monsieur. Elle ne va pas tomber chez ma botte? Non, il va tomber chez vous. Chez moi? Oui. Je suis dans un home, hein. Ah ben oui, faut prévenir les autres alors. Ah ben prévenez-les. Mais oui, mais comment on va faire? Ah ben tirez votre plan, hein. Mais oui, mais enfin monsieur. Allez, foutez-vous, t'es... T'as un son ou quoi? Mais non monsieur, le satellite il va tomber, vous l'avez pas vu à la télé? Bonsoir monsieur. Bonsoir. Ah oui, bonsoir monsieur, à 7h58. Il a pas encore été dormir, c'est un vieux qui fait la fête et puis c'est tout. Peut-être. Ou alors si jamais éventuellement vous êtes wallon et vous parlez le wallon, dites-nous ce qu'il a dit. Génial, hein, parce qu'il y a des trucs quand même, on n'a pas tout compris. Hein. Trop mignon ce petit vieux. Ah oui, et pas du tout inquiet. Hein. Et pas du tout. J'ai rien à foutre, de toute façon j'ai tout vécu moi. Oui, c'est vraiment ça. De toute façon je vais crever. Ce qui est bon c'est que je crève avec tous les autres petits vieux du haut. Ah bah si on meurt aujourd'hui ou demain, ça changera plus rien maintenant. On a tout fait déjà maintenant. Mickaël à la radio. Salut, c'est Max. Tous les matins, j'écoute cet enculé de Mickaël à la radio. C'est bon, mais quel enculé celui-là. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben, essaye de me réveiller déjà, espèce de petit... Mickaël, à la radio. Julien en a parlé hier, l'iPhone 5 donc devrait sortir le 4 octobre. Mais vous savez que j'ai le bras long et grâce à Anthony Cavana, qui est un ami personnel. Tu as le bras long, c'est nouveau ça. Mais tout, regarde, qui est plus long que l'autre. Hein. Ah oui. Ah ouais, t'as vu. Hein. Donc grâce à Anthony Cavana, donc qui est un peu un ami personnel, eh bien, oui, bien je. Sûr. Mais tout à fait, mais j'ai son numéro. Ou j'avais bah, son numéro. Moi. Bah c'est possible, attends une seconde, je vais vérifier. Attends. Oui, comment tu feras ça après hein, sinon... Non, mais je vérifie parce que. Éditeur, ça que tu mentes, donc tu peux passer à autre chose. Allez, ouais, continue. C'est vrai, je l'ai plus. Continue ton speech là. Tu vois, tu l'as plus. Bah c'est voilà. Marrant, je l'avais avant. Bah bien c'est bizarre, sûr. Tiens, allez, continue. Pas, tiens. Donc, du coup, je peux déjà vous dévoiler ce que sera l'iPhone 6. Parce que, oui, mais c'est vrai qu'ils en parlent déjà. Mais oui, en exclusivité totale, écoutez bien, c'est Anthony Cavana qui nous décrit l'iPhone 6. Au départ, il y avait le télégraphe qui permettait de communiquer à distance. C'est vrai. Ensuite. Avec le téléphone, on a pu s'entendre parler. Dans les années 70, la télécommande nous permettait de contrôler la télévision à distance. Finalement, l'iPhone 4 nous permettait de communiquer peu importe où et de se voir grâce à sa caméra. Mais maintenant, préparez-vous à ce que tout change. Voici l'iPhone 6. En fait, pour moi, l'iPhone 6 est définitivement le produit plus époustouflant qu'on ait conçu à ce jour. C'est, je veux dire, à côté de l'iPhone 6, la chirurgie cardiaque, ça a l'air d'une recette de macaroni. Depuis le début des années 2000, on tente de repousser les limites de la téléphonie. Mais en 2011, on frappe fort en introduisant le concept de la conversation réelle. Hey, salut! Ça va bien? Ça va bien, toi aussi? Ah, le concept de conversation réelle est tout nouveau dans le domaine de la téléphonie. C'est l'idée de pouvoir parler face à face avec une personne en étant au même endroit. Ah, dans une maison? Ouais. Oh. Par exemple, une mère pourrait parler à sa fille en Italie alors qu'elle se trouve elle-même en Italie. Et ce... sans appuyer sur un seul bouton. Pour entrer en communication avec quelqu'un, il suffit tout simplement de dire « bonjour ». La première fois que j'ai testé la fonction de conversation réelle, j'en revenais pas de voir à quel point les conversations pouvaient être claires, même en étant très, très près l'un de l'autre. Oui, à part de ça, ça va bien? Oh oui, ça va très bien. Mais c'était pas tout. En activant la fonction de conversation à moyenne distance, je pouvais, sans appuyer sur aucun bouton, continuer ma conversation, même en étant à une distance pas pire. Hey, salut! Hey, salut! Ça va bien! Et avec notre envie chez Mac de toujours aller plus loin, mais on a décidé d'abandonner tous les matériaux originaux tels que le métal, le verre, tout ça pour se concentrer uniquement sur un nouveau matériau révolutionnaire. J'en parle, j'ai des frissons. Nos chercheurs ont trouvé, grâce à des recherches approfondies, un matériau situé en plein centre des arbres, le bois. Pour commencer, l'iPhone 6 va être disponible seulement aux États-Unis au coût de 549 $ pour la version non sablée et 749 $ pour la version sablée et vernie qui vous garantit que vous n'aurez pas d'écharde. Ensuite, il va être disponible partout dans le monde, mais ça pourrait être un peu long parce que nous, on aime ça créer de l'attente. Ça a fait mousser les ventes. Eh ben voilà l'iPhone 6, ça me paraît... C'est révolutionnaire. Ça me paraît pas mal, ça me paraît un bon plan. Ouais. Comment il a dit ? La conversation réelle. La conversation réelle, bientôt disponible avec l'iPhone 6. On va se parler face à face. Exactement, ça va être génial, ça va être top du top. Mickaël, à la radio, Fun Radio.